Amis humains, bonjour. Voici une réflexion sur l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo le 11 janvier 2015. Culture et déconfiture. Par Postmaster le lundi 26 janvier 2015, 14h45. On prononce peu le mot mais, dans les soubresauts violents qui affectent notre pays, c'est bien de culture qu'il s'agit. Lors des attentats, c'est bien une culture de l'irrévérence et de la caricature qu'on a voulu punir, réduire, bâillonner. Et c'est bien une culture de l'ouverture, de la solidarité, de la fraternité, du droit à la parole et à l'effronterie, du vivre ensemble tolérant et de l'amour de la paix qui fut revendiqué dans les rues lors des manifestations monstres qui s'en sont suivies, tous ces concepts qui sont aux fondations de la République et dont nous semblions avoir oublié la teneur. Par la suite, c'est bien d'un fossé culturel dont nous nous inquiétons, fossé qui s'est installé au fil des années sans que personne ne fasse mine de s'en inquiéter malgré les mises en garde des lanceurs d'alerte. Non pas un fossé séparant les détenteurs d'une culture estampillée des pauvres démunis qui en sont privés. Non. La faille est entre une vision culturelle commune et qui fait société, avec d'autres visions qui sont d'autant plus virulentes qu'elles sont réductrices fondamentalisme divers, extrême droite, complotisme, qui se sont installés subrepticement chez ceux qui se sentent exclus d'une manière ou d'une autre, encouragés par des manipulateurs cyniques. Il y a bel et bien eu 20 morts lors des attentats de janvier et on aurait tort de considérer les trois criminels comme des aliens. Ils sont nés en France, sont passés par l'école publique, ont été accompagnés par le service public, ce sont, qu'on le veuille ou non, des enfants de la République. Et on s'interroge donc à juste raison sur la faillite avérée dans la transmission des valeurs, en cherchant des remèdes qui seront forcément culturels. Or, par ailleurs et dans le même temps, cette culture dont nous parlons subit, en particulier dans le domaine du spectacle vivant, une remise en cause financière extrêmement violente, établissements, festivals, manifestations, on n'a jamais vu une telle accumulation d'annulations ou de restrictions dans une même période. Même si le ministère a beau jeu de déclarer qu'il ne baisse pas son budget culture ou très peu, le fait est là et repose principalement sur l'hémorragie des dotations dont sont affectées toutes les municipalités et des choix qui s'en suivent. Il est délicat, voire risible, de s'interroger sur la taille des filets au moment où le bateau coule, et pourtant on aurait tout intérêt à s'interroger sur cette fragilité de nos institutions culturelles au moment où celle, la culture, est particulièrement mise en exergue dans nos problématiques civilisationnelles, se demander si cette mise en culture, intensive et gaullienne qui fut enclenchée avec la création du ministère de la Culture n'aurait pas quelque chose à voir avec la façon dont l'agriculture intensive fut mise en route à peu près dans la même période, on se préoccupe bien davantage de ce qui pousse que du terrain sur lequel ça pousse, quitte à l'inonder d'engrais azotés, les subventions, on consacre ses finances à améliorer la productivité de certaines semences, l'excellence, au détriment de la diversité, on professionnalise à outrance le métier quitte à émonder tout un tas de passerelles sociales qui accompagnaient cette activité, etc. Toute décision qui semblait logique et efficace mais qui finisse par aboutir à une sorte de culture sur moquette où plus rien ne peut pousser sans apport extérieur avec les dommages qu'il implique. Comparaison n'est pas raison, certes, mais on pourrait avoir intérêt à se pencher sur les concepts qui fondent la notion de permaculture, à savoir que, dans l'histoire, c'est le terrain qui est important. Tout comme un champion n'arrive jamais seul et repose en grande partie sur la qualité des pratiques amateurs, un artiste émerge d'un terreau vivant, il est l'aboutissement d'un processus d'échange et de pratiques intenses, comme le légume qui dépend de la vie qui anima son sol. L'excellence n'est moins de procédures concurrentielles que d'une dynamique collaborative qui fait du talent de l'un l'aboutissement du travail de tous. De même que pour la pensée, l'industrie ou l'agriculture, c'est la qualité du milieu qui fait l'émergence, c'est le « tout » qui fait le « un ». Ce n'est pas nouveau.